Vous écoutez Futur Simple sur CKRL au 89.1. En science, y a-t-il quelque chose de plus banal ou routinier que de prendre une mesure? Longueur, surface, volume, masse, temps, vitesse, etc. Toutes des mesures que l'on prend pour acquises aujourd'hui, mais qu'il a pourtant bien fallu mettre en place à un moment donné. À la base de ce système structuré de mesures figure l'étalon universel, qui a d'ailleurs donné son nom à tout le système, le mètre, du grec « métron », qui veut dire « mesure ». Derrière l'histoire de l'invention du mètre se cache une aventure turbulente et rocambolesque. Frédéric Bouchard va nous raconter comment les scientifiques qui ont jeté les bases du système métrique ont dû travailler en pleine révolution, voire en pleine guerre. Bonjour Frédéric. Oui, bonjour François. Alors Frédéric, qui sont les inventeurs du mètre, si on peut les appeler ainsi, et dans quel contexte entrent-ils en scène? Ben, ce sont deux astronomes français qui sont alors au sommet de leur carrière scientifique. Ils ont étudié et commencé à travailler sous l'Ancien Régime à la fin du 18e siècle, donc, et ils vont être aux premières loges de la Révolution française. On vient de vivre le siècle des Lumières et la science, les scientifiques aussi. La science, donc, est au cœur des progrès sociaux et intellectuels espérés à ce moment-là. Alors, dans le coin gauche, si on peut parler comme ça, le Pierre-François André Méchain, alors âgé de 47 ans, astronome réputé, déjà membre de l'Académie des sciences depuis 10 ans. Et dans le coin droit, Jean-Baptiste Joseph Delambre, alors âgé de 42 ans, astronome sur le tard, on pourrait dire, qui est entré dans la profession à l'âge de 35 ans seulement, c'est la nouvelle étoile montante. Et en 1792, en pleine révolution, donc, on confie à messieurs Méchain et Delambre la mission d'établir la nouvelle mesure universelle, le mètre. Et cette mission va durer 7 ans et va les faire traverser la France du nord au sud jusqu'en Espagne en pleine période, donc, de révolution et de guerre. Mais auparavant, on n'a pas construit des cathédrales sans disposer d'une unité de mesure, donc on mesurait déjà les distances. Mais pourquoi a-t-on besoin d'une nouvelle unité de mesure? Bien, justement, il faut savoir qu'à la fin du 18e siècle, juste avant donc la Révolution française, c'est le fouillis le plus total en termes d'unités de mesure. Il existe seulement en France plus de 800 unités de mesure. Uh-huh. 800. Des unités portant le même nom varient d'une région à l'autre, parfois même d'un village à l'autre, avec des différences qui peuvent passer du simple au double. Je vous donne des exemples. La livre peut valoir de 380 à 550 grammes selon les régions, uh-huh. selon les villages, une différence donc de 45%. Autre exemple, la pinte vaut 0,9 litres à Paris, mais elle vaut 1,14 litres en Grande-Bretagne. Le pouce français vaut 2,7 cm, alors que le pouce anglo-saxon impérial vaut 2,5 cm. Et, par exemple, les autres unités de mesure de longueur à l'époque, juste la longueur, lieue, toise, brasse, aune, pas, coudée, pied, palme, doigt, seulement quelques exemples comme ça. Alors, évidemment, ça rend les calculs, les transactions très pénibles. Des commerçants plus futés, même plus malhonnêtes, au fond, vont profiter de la situation. Uh-huh. Et c'est dans ce contexte que survient la Révolution française. Et pour les révolutionnaires, parmi lesquels figurent d'ailleurs de nombreux scientifiques, les inégalités socio-économiques se reflètent jusque dans ce chaos de mesures-là. Il faut donc renverser le système et le remplacer par un ensemble de mesures universelles, égales pour tous, partout dans le monde, à toutes les époques. La Terre, rien de moins, sera la référence. Autrement dit, le mètre sera éternel parce qu'il sera tiré de la Terre elle-même éternelle. Et avec les moyens de l'époque, comment vont procéder Méchain et Delambre pour mesurer la Terre? Carrément, mesurer la Terre. La mission des deux astronomes sera de mesurer avec les instruments les plus précis de l'époque la portion de la surface terrestre qui traverse toute la France du nord au sud. En fait, de Dunkerque dans le nord de la France à Barcelone en Espagne, en Catalogne, en passant par Paris. Alors, en mesurant la distance précise de ce méridien français qu'on pourrait appeler, et en connaissant la portion de la circonférence de la Terre qu'il représente en degrés, il pourra faire une simple règle de 3 pour déduire la circonférence totale de la Terre. Tout à fait. Du moins, la portion entre le pôle Nord et l'équateur qui correspond au fond à 90 degrés de latitude, ou le quart de cette pointe de Terre de cette circonférence-là. Le mètre va donc être défini comme la 10 millionième partie de la distance entre le pôle Nord et l'équateur. Aujourd'hui, on évalue, par exemple, la circonférence de la Terre, donc le 360 degrés, la circonférence au complet, on évalue à environ 40 000 km, donc le quart de cercle qui correspond à 90 degrés fait environ 10 000 km, soit 10 millions de mètres. Les savants savent donc qu'ils doivent mesurer la distance entre Dunkerque et Barcelone en passant par Paris pour déterminer la circonférence de la Terre. Mais comment faire pour mesurer la France du nord au sud? Bien, certainement pas avec un ruban à mesurer. La technique va être celle qu'on appelle la triangulation. Imaginons donc un triangle. En gros, la technique de la triangulation dit que si on connaît la valeur des trois angles d'un triangle et la longueur d'un des trois côtés, on peut déduire la longueur des deux autres côtés. Et si chacun des triangles d'une série se touche par au moins un côté, on peut calculer la distance totale formée par la série de triangles. Le plan de Méchain et de Lande va donc être de délimiter une chaîne, une grande chaîne de plus de 100 triangles qui s'étendent du nord au sud de la France et mesurer tous les angles de tous ces triangles. Et les points ou les coins de ces triangles-là seront des repères géographiques facilement visibles de loin, les tours, les clochers d'église, les sommets rocheux. Alors, leur mission va durer plus de 7 ans. Et de nombreuses fois, les deux astronomes vont d'ailleurs être ralentis par les soubresauts de la Révolution et de la guerre entre la France et l'Espagne à ce moment-là. Il faut savoir que la simple mesure d'un seul angle entre deux points pouvait prendre plusieurs jours à l'époque. Et enfin, Méchain et Delambre rentrent à Paris en 1799 pour rendre compte de leurs travaux. Et finalement, quel est le bilan de la mission de Méchain et Delambre? Ben, ironiquement, la France va être le premier pays à adopter et le premier pays à bouder aussi le système métrique. Pendant presque un demi-siècle, en fait, les habitants français vont bouder le mètre. Les scientifiques, eux, sont bien contents de leur nouveau mètre, mais les citoyens français, qu'on va appeler, mettons, ordinaires, vont plutôt dénigrer les nouvelles mesures et se cramponner à leurs anciennes unités locales, la tradition finalement. Tout à fait. Il faudra attendre au milieu du 19e siècle, en 1837, pour voir le pays adopter le mètre comme mesure universelle de longueur. Viendront par la suite de nombreux autres pays jusqu'à aujourd'hui, où tous les pays du monde, sauf trois, utilisent officiellement le système métrique. Ces trois pays récalcitrants sont le Myanmar, l'ex-Birmanie, le Libéria en Afrique de l'Ouest et, devinez qui, les États-Unis d'Amérique. Mais est-ce que ça pose des problèmes que tous les pays n'utilisent pas le même système? Ben, au fond, oui. On pourrait se poser la question, est-ce vraiment souhaitable que tous les pays utilisent le même système? Qu'est-ce que ça change, au fond, dans la vie de tous les jours? Ben, je vais mentionner la simple anecdote suivante en guise de réponse. Dans les années 1990, la NASA a envoyé deux sondes spatiales pour étudier le climat de la planète Mars, son cycle hydrologique, son atmosphère, etc. L'une des deux sondes, qui s'appelait Mars Climate Orbiter, s'est écrasée en septembre 1999 suite à son entrée dans l'atmosphère martienne trop près de la surface, c'est-à-dire 50 km d'altitude au lieu de 150 km d'altitude. Une petite erreur de 200% et qui a coûté 125 millions de dollars. Exactement. L'enquête de la NASA a révélé que l'erreur de calcul ayant causé l'écrasement était due au fait que l'équipe d'ingénieurs en charge de la conception du vol avait utilisé les unités de mesure anglo-saxonnes, donc impériales, alors que l'équipe de navigation au centre spatial de contrôle travaillait avec les unités du système métrique. Alors oui, on peut dire que les mesures peuvent vraiment avoir leur importance. À ceux et celles qui seraient intéressés à aller plus loin, je recommande la lecture d'un livre qui a largement inspiré cette chronique. Il s'agit du livre « Mesurer le monde, l'histoire incroyable, l'histoire de l'invention du maître » de Ken Alder, paru en 2005 chez Flammarion pour la version française en tout cas. Et pour écrire le livre, pour s'inspirer, l'auteur a repris à vélo l'itinéraire emprunté par messieurs Méchain et Delambre à l'époque. Et pourquoi pas une lecture pour allier histoire, science et tourisme. Merci Frédéric. Il n'y a pas de quoi.